إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد الله سبحانه وتعالى dit dans son noble livre وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. Et votre Seigneur a dit, invoquez-moi et je vous répondrai. Ceux qui par orgueil refusent de m'adorer entreront bientôt dans l'enfer humiliés. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donc ordonné de l'invoquer. Et il nous a promis subhanahu wa ta'ala qu'il répondrait à nos invocations. Il nous a donc informé que l'invocation est une adoration. En effet, il l'appelait dans ce verset « ibadah ». Il a dit subhanahu wa ta'ala « Innal ladhina yastakbiruna an ibadati » Ceux qui par orgueil refusent de m'adorer, refusent mon adoration. C'est-à-dire ceux qui ne m'invoquent pas, ils entreront bientôt dans l'enfer humilié. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Ceci nous montre donc que l'invocation est une adoration. Et c'est même une des formes les plus immenses d'adoration. En effet, il est venu dans le hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'invocation, c'est l'adoration. » C'est-à-dire que c'est la forme la plus immense d'adoration. Car l'adoration est de différentes sortes. Il y a de multiples adorations que l'on voue à Allah subhanahu wa ta'ala, comme la prière, le jeûne, la zakat, la prosternation, l'inclinaison, la peur, l'espoir, la confiance. Mais l'invocation, c'est la forme la plus immense de l'adoration. Comme il est venu dans un autre hadith, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le pèlerinage, c'est Arafah. » Le pèlerinage, il comprend de nombreux rites, comme le tawaf, le sa'i, etc. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ici dans ce hadith « Le pèlerinage, c'est Arafah. » C'est-à-dire la station à Arafah, qui fait partie des rites du pèlerinage. Mais c'est parce que c'est le rite le plus immense du pèlerinage et le plus important, la station à Arafah. Donc de la même manière, l'invocation, c'est une des formes de l'adoration. Et comme c'est la plus immense et une des plus méritoires, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'invocation, c'est l'adoration. » Et parmi les choses qui nous montrent le mérite de l'invocation, il y a le fait qu'il est ordonné aux musulmans de multiplier l'invocation. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a ordonné de l'invoquer. Et ceci fait partie de sa miséricorde, subhanahu wa ta'ala. Qu'il t'ait ordonné de l'invoquer, car tu as besoin de l'invoquer. Tu as besoin de ton Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Tu as besoin de son aide, tu as besoin de son assistance, tu as besoin de son soutien. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a ordonné de l'invoquer, de lui adresser tes demandes. Mais en plus de cela, par sa miséricorde, il t'a informé et t'a annoncé la bonne nouvelle qu'après que tu l'invoques, il va répondre à ton invocation. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'ordonne de l'invoquer. Il te promet l'exaucement de ton invocation, subhanahu wa ta'ala. Ceci nous montre donc la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala envers ses serviteurs. Quant à ceux qui se détournent et qui refusent d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala et qui refusent de l'invoquer, alors Allah subhanahu wa ta'ala se passe largement d'eux. Il n'a pas besoin de ses serviteurs. Mais la nuisance, elle est sur qui? Elle est sur eux. Ceux qui délaissent l'invocation, ceux qui délaissent l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui se détournent de lui, c'est eux qui se privent eux-mêmes. Ils se privent de l'exaucement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'ordonne de l'invoquer. Il te promet de te répondre. Donc si tu te détournes et que tu t'écartes de cela, tu prives ta propre personne. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas besoin de tes invocations, mais il t'a ordonné de l'invoquer dans ton propre intérêt, car il te promet après cela de répondre à ton invocation. Et l'invocation, elle a des temps durant lesquels elle est plus exigée, des moments durant lesquels on espère encore plus qu'elle soit exaucée. Et parmi ces moments, il y a ce mois, le mois béni de Ramadan, et notamment les 10 dernières nuits et plus encore la nuit du destin. Ce mois, donc le mois de Ramadan, c'est un mois d'adoration et d'invocation. Et plus spécifiquement, durant ces 10 dernières nuits, le mérite de l'invocation est encore plus immense. Tu dois donc multiplier les invocations et adresser des demandes à Allah subhanahu wa ta'ala durant ces nuits, plus qu'en d'autres moments. Il te convient que tu fasses des efforts dans l'adoration, mais également des efforts dans l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu l'invoques à tout moment, au moment de la rupture, durant la nuit, dans ta prière, dans tes prosternations et dans toute situation. Et tu persévères et tu insistes dans tes invocations à Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu dois te rappeler qu'Allah t'a promis de t'exaucer. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans son noble livre, « وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ » Lorsque mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, alors je suis tout proche. « أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ » Je réponds à l'invocation de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. C'est-à-dire qu'il suffit que tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il te réponde. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ Qu'ils répondent donc à mon appel et qu'ils croient en moi, ainsi ils seront bien guidés. Allah subhanahu wa ta'ala, il est donc proche de ses serviteurs. Il répond à leurs invocations. Il nous a ordonné de l'invoquer. Il nous promet de répondre à notre invocation lorsqu'on l'invoque. Mais le problème, il vient de ses serviteurs. C'est eux qui se détournent d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est eux qui ne s'orientent pas vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est eux qui invoquent peu Allah subhanahu wa ta'ala. Il convient donc de nous réformer et de multiplier les invocations, d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala avec un cœur véridique et sincère et de nous orienter vers lui par cette adoration immense qu'est l'invocation. Cependant, il est important de savoir que l'invocation, elle a des conditions. Ce ne sont pas simplement des termes et des mots que tu prononces avec ta langue. Mais pour être exaucé, l'invocation doit remplir certaines conditions. Et tu dois te préserver de certaines choses qui empêchent l'exaucement de l'invocation. Parmi les conditions de l'exaucement de l'invocation, il y a tout d'abord al-ikhlasu lillahi subhanahu wa ta'ala, la sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala, que tu voues un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala, que tu n'adores que lui, que tu ne lui donnes aucun associé et que tu t'écartes de toute forme de polythéisme majeur ou mineur. Le serviteur donc, il voue un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Il se tient droit sur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il s'écarte du shirk, du polythéisme. Il s'écarte de l'ostentation. Il s'écarte de l'adoration d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans son noble livre, فَدْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ Invoquez Allah en lui vouant un culte exclusif, en lui vouant sincèrement le culte, c'est-à-dire en adorant qu'Allah subhanahu wa ta'ala et en délaissant l'adoration de tout autre que lui. Le tawhid donc, l'ikhlas, c'est une des conditions de l'acceptation de tes invocations et de l'ensemble de tes adorations. Car c'est le fait de vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il te rapproche de lui. C'est en lui vouant un culte exclusif qu'Allah subhanahu wa ta'ala acceptera tes invocations. Quant à ceux qui se détournent d'Allah, qui invoquent autre que lui, qui se dirigent vers des mausolées, vers des tombes, vers des morts ou des sorciers, pour les invoquer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'attendent-ils de ces créatures aussi faibles qu'elles? Qu'attendent-ils de ces créatures et ils délaissent le Créateur subhanahu wa ta'ala? Il n'y a pas de doute que ceux-là sont dans un égarement évident. Ils délaissent l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala pour aller invoquer des morts, pour aller invoquer des pierres, pour aller invoquer des tombes. Et le refuge est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les conditions d'exaucement de l'invocation également, il y a le fait que tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala d'un cœur présent, d'un cœur orienté et dirigé vers Allah subhanahu wa ta'ala, en espérant qu'Allah exauce ton invocation. Tu ne dois pas invoquer avec un cœur distrait, un cœur détourné et un cœur absent. Il y a certaines personnes, lorsqu'ils font des invocations, on dirait que ce ne sont que des mouvements de sa langue. Il remue sa langue et prononce ses mots, mais son cœur est absent. Son cœur est distrait. Son cœur est détourné. C'est pour cela que ces invocations, elles ne sont pas exaucées. Car comme il est venu dans un hadith, l'invocation d'un cœur distrait et insouciant, elle n'est pas exaucée. C'est pour cela que lorsque tu invoques, tu dois avoir le cœur présent. Réfléchir sur ces mots que tu prononces. Tu dois avoir conscience que tu t'adresses à Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur de l'univers, le Créateur des cieux et de la terre, celui qui administre tout. Tu lui adresses donc ta demande d'un cœur présent, d'un cœur humble, et tu t'humilies devant Allah subhanahu wa ta'ala. Tu te concentres dans ton invocation et tu te diriges vers lui par cette adoration immense. Également, parmi les conditions d'exaucement de l'invocation, il y a le fait que tu aies la certitude qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'exauce. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, « Invoquez Allah en ayant la certitude qu'il vous exauce. » C'est une certitude. Tu ne dois pas avoir de doute quant à cela. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, « وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ » Et votre Seigneur a dit, « Invoquez-moi, je vous exaucerai. » Tu ne dois donc pas avoir de doute à ce sujet. Tu dois avoir la certitude qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce ton invocation. Et ceci est une des causes pour être exaucé. Car celui qui doute à ce sujet, comme font certaines personnes, il est malade, il dit « Ah, je vais essayer d'invoquer Allah. » Il est en difficulté, il dit « Ah, je vais essayer. » Comme s'il mettait Allah à l'épreuve et le refuge est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci est un manque de comportement envers Allah et une mauvaise opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le musulman, il doit donc avoir une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala et avoir la certitude que sa parole est vérité. Il nous a dit de l'invoquer et il nous a dit qu'il nous exaucerait. Donc tu dois avoir la certitude de cela, qu'Allah exauce ton invocation. Également parmi les causes d'exaucement de l'invocation, il y a le fait d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala par ses plus beaux noms. Tu l'invoques donc en l'interpellant par ses noms. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Rabb. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans son noble livre, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدُعُوهُ بِهَا. C'est à Allah qu'appartiennent les noms les plus beaux. Invoquez-le donc par ses noms. Donc lorsque tu invoques, tu dis Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghaffar, Ya Ghafour, Ya Dhal Jalali wal Ikram. Tu l'invoques donc par ses noms les plus beaux. Et tu l'invoques par les noms qui correspondent à ton invocation. Par exemple, si tu devais demander à Allah de te pardonner, de te faire miséricorde, tu lui dis Ya Rahim, Ya Ghaffar, pardonne-moi et fais-moi miséricorde. Tu l'invoques donc par le nom qui correspond à ta demande et qui correspond à ton invocation. Et ceci fait partie des causes de l'exaucement des invocations. Invoquez-le donc par ses noms. Également parmi les causes de l'exaucement des invocations, il y a le fait de choisir les moments propices à son exaucement. Le musulman, il doit invoquer Allah à tout moment. L'invocation, elle n'est pas restreinte à des temps particuliers. À tout moment, tu peux invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah t'a promis la réponse à ton invocation. Cependant, il y a des moments qui sont plus propices et plus proches de l'exaucement. Comme lorsque tu es prosterné devant Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque tu te prosternes, c'est le moment où tu es le plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu es donc plus à même de te faire exaucer. Donc tu dois prolonger tes prosternations et invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Lui adresser tes demandes et persévérer dans cela. Tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala lorsque tu es prosterné. Également, durant le dernier tiers de la nuit, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala descend au ciel le plus bas et qu'il dit « Qui m'invoque ?» pour que je l'exauce, qui implore mon pardon, pour que je le pardonne, qui me demande pour que je lui donne. Ce sont des moments propices à l'exaucement des invocations. Également, la dernière heure du vendredi, ou encore le mois de Ramadan, et surtout ces 10 dernières nuits, comme on a dit. Tous ces moments sont des moments durant lesquels on espère plus encore l'exaucement de notre invocation. Donc le musulman, il multiplie les invocations à ce moment. Ceci sont donc quelques causes permettant l'exaucement des invocations. Cependant, tu dois savoir qu'en parallèle de cela, il y a des empêchements à l'exaucement de l'invocation. De la même manière qu'il y a des conditions et des causes permettant leur exaucement, il y a des choses qui empêchent l'exaucement de l'invocation. Parmi ces choses, comme on l'a dit, il y a l'insouciance, la distraction et le détournement lors de l'invocation. C'est-à-dire que la personne fasse une invocation avec un cœur distrait. Ne réfléchit pas à ce qu'il dit. Il prononce ses mots mécaniquement, sans se rendre compte qu'il est en train de s'adresser à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors celui-ci, son invocation, elle n'est pas exaucée. Également, parmi les empêchements à l'exaucement de tes invocations, il y a l'empressement. Le fait que tu te précipites, que tu souhaites voir tout de suite le résultat de ton invocation. Et certes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, « L'un de vous ne cesse d'être exaucé tant qu'il ne se précipite pas. » Et qu'est-ce que c'est le fait de se précipiter ? Le fait de se précipiter, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est que tu dises, j'ai invoqué et Allah ne m'a pas exaucé. Lorsque tu prononces cette parole, tu t'es privé de l'exaucement de ton invocation. Si tu dis, j'ai invoqué Allah et Allah ne m'a pas exaucé, alors en disant cette parole, tu viens de te priver toi-même de l'exaucement de l'invocation qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a pourtant promis. Car tu t'es précipité. Tu dois te rappeler que l'invocation, Allah subhanahu wa ta'ala y répond de trois manières. La première manière, c'est qu'il réponde à ton invocation dans les termes dont tu l'as invoqué. Tu lui as demandé par exemple de te faciliter l'apprentissage du Coran et l'apprentissage du Coran t'est facilité. Tu lui as demandé de te guérir et il te guérit. Ça c'est la première manière par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala répond aux invocations. La deuxième manière, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala te préserve d'un mal. C'est-à-dire que toi, tu as demandé par exemple la guérison d'une maladie, mais Allah subhanahu wa ta'ala par exemple, il va te préserver du fait que cette maladie s'aggrave ou que tu sois touché d'une maladie encore plus grave ou autre mal encore. Donc parfois la personne, elle invoque, elle demande une chose et elle pense qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne l'a pas exaucé alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a préservé d'un mal immense. Il t'a préservé, il t'a protégé et le serviteur, il pense qu'il n'a pas été exaucé. La troisième manière dont Allah subhanahu wa ta'ala répond aux invocations de ses serviteurs, c'est qu'il te réserve cette invocation pour l'au-delà, au jour où tu seras en grand besoin de cette invocation. Yawm al-Qiyam, au jour de la résurrection, le jour où ni bien ni enfant ne te seront profitables, alors tu te réjouiras de trouver cette invocation auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le serviteur, il doit avoir la certitude qu'Allah exauce son invocation par une de ces trois manières. Et il ne doit pas se précipiter et dire « j'ai invoqué Allah, il ne va pas exaucer ». Également, parmi les empêchements à l'exaucement de l'invocation, il y a le fait de manger l'illicite. Celui dont la nourriture et la boisson sont illicites, celui-ci, ses invocations ne sont pas exaucées. Comme il est venu dans le hadith, rapporté par Muslim, d'après Abi Huraira radiallahu ta'ala anhu, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a évoqué un homme qui fait un long voyage, aux cheveux ébouriffés et pleins de poussière, tendant ses mains au ciel et disant « Ô Seigneur, ô Seigneur !» Donc celui-ci, il a réuni plusieurs causes de l'exaucement de l'invocation. Le voyage, car l'invocation du voyageur est exaucée. Il a les cheveux ébouriffés pleins de poussière, c'est-à-dire qu'il s'oriente avec humilité devant Allah subhanahu wa ta'ala. Il tend ses mains au ciel, il lève ses mains donc pour invoquer, et il invoque Allah subhanahu wa ta'ala par un de ses meilleurs noms. « Ô Seigneur, ô Seigneur !» Mais sa nourriture est illicite, sa boisson est illicite, son vêtement est illicite, on la nourrit de l'illicite. Alors comment pourrait-il être exaucé? Il a réuni plusieurs conditions pour être exaucé, mais sa nourriture et sa boisson ont empêché l'exaucement de son invocation. Donc le musulman, il doit se rappeler de cela, que la nourriture illicite, elle empêche l'exaucement de l'invocation. Et c'est parmi les plus grands empêchements à l'exaucement de l'invocation. Le musulman donc, il doit choisir la nourriture et la boisson licites. Il doit s'écarter de toute nourriture illicite, car ceci empêche l'exaucement de ton invocation. Cela se place entre toi et ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et cela empêche ton invocation d'être exaucée. Et ceci, malheureusement, est la chose la plus dangereuse dans laquelle sont tombés beaucoup de gens. En effet, l'amour des biens de ce bas monde, l'amour de l'argent, a poussé nombre de personnes à obtenir leurs biens de manière illicite, comme par la tromperie et la ruse, la triche dans la vente et l'achat, le fait de manger à riba, l'usure, les intérêts usuraires, et le refuge est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci est une des pires choses illicites desquelles les gens se nourrissent de nos jours. Et ils sont négligents vis-à-vis de cela. Ils mangent de l'intérêt usuraire. Ils se nourrissent de l'argent du riba et ils espèrent que ces invocations soient exaucées. Comment pourrait-il être exaucé alors que l'ensemble de ses biens sont illicites et sont acquis à partir de l'argent de riba? Comment celui-ci peut-il être exaucé? Il mange des biens illicites, il mange des biens volés, il mange des biens usurpés de manière illicite. Tout ceci est interdit. Celui qui fait cela, il est dans une situation très dangereuse auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il se nourrit de l'illicite et il nourrit sa famille, ses enfants de l'illicite et les prive ainsi de l'exaucement de leurs invocations. Et le refuge est auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Le musulman donc, Il doit prendre garde à ces choses-là. Il doit s'écarter de l'illicite, ne pas se nourrir et s'abreuver de l'illicite, et ce afin que ses invocations, elles soient exaucées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui dont telle est la situation, il doit donc s'empresser de se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala. S'empresser de revenir à Allah, de délaisser ses biens illicites, de s'écarter de cet amour des biens éphémères de ce bas monde et se débarrasser de l'ensemble de ses biens illicites pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala par le repentir, invoquer son pardon et voir ses invocations exaucées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de nous compter parmi ses serviteurs véridiques et sincères, ceux qui l'invoquent d'un cœur présent et dont les invocations sont exaucées. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khayran.